Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. Huitième épisode. Un mois après la disparition mystérieuse de la cantatrice Sofia Simeonidis, une fois les soupçons portant sur son amant de jeunesse définitivement écartés, l'inspecteur Le Guenec s'en prend à nos trois enquêteurs amateurs. Après tout, ces trois historiens louches ont creusé dans le jardin de Sofia peu de temps avant sa disparition. Van Dossler organise la surveillance officieuse de la maison des Simeonidis. Marc est de garde quand il voit un homme sonner à la porte des voisins. Cet homme, un certain Don Pierre, est persuadé que la mort de Sofia pourrait avoir un rapport avec le meurtre non élucidé de son propre père, près de 20 ans auparavant. Il affirme avoir découvert quelque chose dans les archives du père de la cantatrice, mais refuse d'en dire davantage. Un peu plus tard, dans la nuit, la maisonnée est réveillée par des hurlements. Lucien, qu'est-ce que tu fais par terre? Relève-toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Saint-Marc est à poil. C'est Lucien, il est complètement bourré. T'es en train de détendre sur lui, moi, c'est Saint-Mathieu. C'est vrai ça, tu te trimbales torse nu dans la rue maintenant, Saint-Marc. Je suis descendu comme j'étais, je vous signale. J'ai cru que tu te faisais agresser, pauvre con. J'ai perdu mes clés. Je les ai sorties de ma poche, pouf, elles ont disparu. Mais on s'en fout de tes clés, ferme-la un peu, tu vas réveiller tout le monde. Ouais, allez, là, debout, on les cherchera demain. Non, je veux mes clés, je veux mes clés. Y'a rien. Je les ai perdus là-bas. Où, là-bas? Devant chez Juliette. Bon, attends, Mathias, prends-le. Je vais voir. Lucien, tiens-toi, mon nom. Marc. Tu vois quelque chose? Non. Marc. Bon, écoute, laisse tomber, Marc. Je dis pas ça souvent, mais là, franchement, il gèle. T'es torse nu, tu vas attraper la crève. On les cherchera demain. Mais c'est bon, pour une fois, j'ai pas froid. J'ai même plutôt chaud, d'ailleurs. Voilà. J'ai trouvé. Oh, alléluia. Elles étaient où? Entre deux voitures. T'es sûr, il y a le petit soldat plomb? Oui, il y a le petit soldat plomb. Avec la culotte rouge et la capote bleue. Oui, Lucien, il y a tout, la culotte rouge et la capote bleue. Je sais reconnaître tes clés, je suis pas débile. Hein. Bon, allez, on prend un bras chacun et on rentre. Ah. Tiens-toi. Oh, je crois que je vais vomir. Ah non. Tu vomis pas. France Inter va retrouver les grandes ondes, le coût de ce dispositif. Tu me fatigues, il y en a qui bossent, je te signale, et qui ont besoin de se réveiller parce qu'un gros relou les a sortis du lit à 2h du mat. Qu'est-ce que t'as foutu, Lucien? Eh, mais vous me lâchez là, tous les deux. Les chiottes du premier sont bousillées. Ouais, bah c'est pas moi, j'ai rien fait, je te jure. T'es déjà debout, Marc? J'ai un truc à faire. Je dois partir avant que le tonton se réveille. Je te préviens, Lucien, c'est la dernière fois que tu gères dans les toilettes. J'ai autre chose à faire que de réparer la plomberie. Christophe Dompierre a été retrouvé dans le 19e arrondissement de Paris. Le résident genevois de 43 ans a été retrouvé mort sur le parking d'un hôtel. Une enquête est ouverte. Aucune piste n'est écartée, pas même la piste politique. Ils viennent de parler du mec d'hier. Sur notre antenne. Attends. Non. Réfléchis, Marc, réfléchis. Et maintenant, un point sur la situation. Changement de programme. Tu pars plus? Je préfère, ouais. Ça se voit que t'as jamais eu à réveiller mon oncle. Mais vous êtes complètement malade. Comment vous avez pu me cacher la visite de ce type? Je voulais te le dire, mais tu m'as pris la tête avec mon sandwich. Après, t'as enchaîné sur le Guenec. On est plus que dans la merde, hein? Je sais, j'ai déconné. Mais on avait juré à Don Pierre de la boucler. Si le gars était tué, c'est qu'il avait découvert un truc important. Et si ça se trouve, avec vos conneries, on ne saura jamais ce que c'était. Est-ce que c'est possible de crier un peu moins fort? Est-ce que tu peux savoir s'ils ont retrouvé une sacoche dans les affaires de Don Pierre? Avec des documents, des notes? J'en sais rien. Mais il faut qu'on parle à Le Guenec tout de suite. Sinon, il ne fera jamais le lien avec l'affaire Simeonidis. On va se faire gueuler dessus, il va pas nous louper. Ah bah ça c'est sûr, oui. Il dira que vous auriez pu éviter un meurtre. Il aura peut-être raison. Demande-lui s'ils ont trouvé une sacoche, d'accord? C'est là que Don Pierre gardait toutes ses preuves. Bordel, Van Dossler, comment t'as pu me cacher ça? Mais tu te rends compte? Je n'en savais rien avant ce matin, je te jure. Mon neveu n'avait pas compris l'importance de cette visite. Mais il est complètement idiot, ton neveu. Eh oh, il avait l'intention de te prévenir aujourd'hui. T'as quand même du bol, non, qu'il lui ait parlé à ce type. Sinon, l'enquête serait partie à Genève. Je veux pas que je dise merci non plus. Mais on arrive. Je vais dire à l'inspecteur du 19e que t'es un collègue. Tu me laisses faire. T'as pigé? J'ai pigé. T'as pigé? J'ai pigé. Non. On n'a pas grand chose. Le patron de l'hôtel nous a appelé un peu avant 8 heures. Il a découvert le corps alors qu'il rentrait les poubelles. Donc Pierre était ici depuis 2 nuits. Voilà le corps. Un coup violent sur le crâne et 2 coups de couteau dans le ventre. C'est pas beau à voir. Le légiste pense que la mort n'a pas été immédiate. Le décès a eu lieu entre 23h et 2h du matin. Et le couteau? On ne l'a pas retrouvé. Un couteau de cuisine. Modèle courant, assez grand. Aucun appel, aucun courrier, sauf une lettre déposée à l'intention de la victime dans la boîte de l'hôtel hier après-midi. Déposée par qui? Personne n'a rien vu. Le patron a ramassé l'enveloppe à 5h et il l'a glissée dans le casier de Don Pierre. Le message disait quoi? Aucune idée. On ne l'a pas retrouvé non plus. C'est sans doute cette lettre qui l'a attiré dehors. Si Don Pierre cherchait des renseignements, il était prêt à tout. Il ne s'est pas méfié. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Ça ressemble à la carte de Stelios. Est-ce que vous avez retrouvé une sacoche dans les affaires de Don Pierre avec des notes, des photocopies? On a retrouvé une sacoche dans sa chambre, mais elle était vide. Avant de se tirer, l'assassin aura repris sa lettre. Et les documents qui pouvaient le faire accuser. Cette petite cour est parfaite pour agresser quelqu'un. À part la façade arrière de l'hôtel, tous les murs sont aveugles. On n'a aucun témoin. Et l'unique accès, c'est ce passage-là, avec la petite porte. Qui peut l'ouvrir? Tous les clients ont une clé. L'entrée principale de l'hôtel ferme à 23h, et après, il faut passer par là. Et ce matin, elle était comment, la porte de la cour? Fermée. Mais le patron nous a dit qu'un client était parti vers 7h30. C'est sans doute lui qui a refermé. Don Pierre avait encore la clé dans sa poche. Et ce client n'a rien remarqué? Non. Pourtant, sa voiture était garée juste à côté du corps, mais sur sa gauche. Côté passager. Il a démarré sans se rendre compte de rien. Encore heureux qu'il n'ait pas roulé dessus. Oui. Ok. Merci, inspecteur. C'est moi. Je ne suis pas fâché de vous refiler l'affaire. Ça s'annonce plutôt mal. Bonne journée. À qui est-ce que Don Pierre avait donné l'adresse de son hôtel? À plein de monde. Reliveau, Marc, tous ceux de Dourdan, et sûrement d'autres qu'on ne connaît pas, sans compter qu'il a peut-être été suivi. Et Alexandra? Elle savait pour ce gars? Je crois que Mathias lui en avait parlé, oui. Tu vas aller la voir? Pas tout de suite. D'abord, je vais m'assurer que Reliveau est bien encore à Toulon. Oh tiens, tu peux me déposer là, près de la cabine téléphonique? Prends mon téléphone. Non, je veux pas t'embêter, t'as du boulot. On se pas pressé, juste un truc personnel, mais j'en profite. Il y a quasiment plus de cabine téléphonique maintenant, c'est l'horreur. Voilà. Parfait. Merci. Juliette, est-ce que tu peux me passer ça, Mathieu? Ils savent ce qui s'est passé? Pas encore. Est-ce que tu peux l'appeler, s'il te plaît? C'est très urgent. Ok, je te le passe. T'as Mathieu? Ouais, j'arrive. Allô? Est-ce qu'Alexandra déjeune ici, aujourd'hui? Oui, elle a venu avec Cyril, comme d'habitude. Tu lui as parlé de Don Pierre? Oui, je crois que je lui ai aussi donné l'adresse de son hôtel. Ça n'arrange pas du tout son cas, tu comprends? Je sais, mais elle est toujours si triste. Écoute-moi très attentivement. Don Pierre a été liquidé entre 23h et 2h du matin. Il s'est fait piéger par un rendez-vous, comme Sophia. Absente-toi 5 minutes et trouve Marc. J'espère qu'il est à la maison. Résume-lui ce que je viens de te dire et dis-lui de rappliquer au tonneau et d'interroger discrètement Alexandra sur son emploi du temps de cette nuit. D'accord. Discrètement, c'est clair. Et qu'il demande aussi à Juliette si elle a vu ou entendu quelque chose. Si le Guénèque applique, il faut qu'on ait un coup d'avance sur lui. Ok, j'y vais tout de suite. Dernière chose, ce n'est pas Marc qui a couru après Dompierre, d'accord? C'est Dompierre qui est venu sonner chez vous. Et croise les doigts pour qu'Alexandra n'ait pas bougé cette nuit. Et voilà, des chips et des olives pour la jolie dame. Merci. Cyril n'est pas là aujourd'hui? Non, il est resté en haut. Il a pris cette sale habitude de son père de manger devant la télé. Salut tout le monde. Hello Marc. Tu peux m'asseoir? Bien sûr. Bon, je vous laisse. T'as entendu ce matin? Non, quoi? Pour Dompierre, tu n'es pas au courant? Mais si, Mathias vient de me raconter. C'est incroyable cette histoire. Mais ça m'inquiète pour mon grand-père. Je sais plus quoi faire, j'ai l'impression que je suis en train de devenir dingue. Tu n'as rien entendu, toi, cette nuit? Tu n'es pas sortie? Non, j'avais piqué un cachet à Juliette. Mais pourquoi? Tu penses quand même pas que tu vas pas me... Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes toujours réunis. C'est pratique. Le Guénèque, quelle surprise de vous voir. Bonjour, inspecteur. C'est pour vous que je viens. Mais Cyril? Oh, je suis sûr que vous pouvez confier Cyril à Saint-Marc une petite heure, non? Bien sûr. Bah voilà. Mais allez. T'inquiète pas, Alexandra, on t'attend là, y a pas de problème. Tu jettes un œil sur lui, il est tout oui, seul oui, là. Ouais, je vous expliquerai en route. Avancez, j'ai pas que ce dossier à traiter aujourd'hui. Non mais j'y crois pas, l'oncle avait raison. Le Guénèque essaye de nous doubler. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il lui veut à Alexandra? C'est de ma faute tout ça. Quel con, mais quel con! Ne t'inquiète pas, il ne peut rien contre elle. Alexandra n'a pas bougé de la nuit. Comment tu le sais? Parce que j'étais debout. J'arrivais pas à m'endormir. Vers 11h, je suis descendue chercher un livre et je suis restée en bas à bouquiner, jusqu'à 2h30. Je peux te dire qu'Alexandra n'a pas bougé de la maison et qu'il n'y a eu ni bruit, ni voiture. Alors tu vois, t'en fais pas. Pourquoi tu fais cette tête, Marc? Ça devrait te rassurer. Pourquoi tu mens? Je ne mens pas, pourquoi tu dis ça? À 2h du matin, tu n'as rien entendu? Tu te fous de ma gueule, Juliette? Pas moins fort! Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? À 2h du matin, j'étais dehors. On était en train de ramasser Lucien avec Mathias et devant chez toi en plus. Alors comment tu peux dire que tu n'as rien entendu? Juliette, dis-nous ce qu'il y a. Ok. Alexandra est sortie. Avec Cyril. Elle a pris ma voiture et elle a démarré tout doucement. Tout feu éteint. Mais c'était sûrement pour ne pas réveiller le petit. À quelle heure? À 11h15, quand je suis descendue chercher un bouquin. Parce que ça, c'est vrai. Et t'as fait quoi? Ça m'a énervée de la voir encore partir après tout ce qui s'était passé. Et avec le petit en plus. Je suis remontée et j'ai pris un cachet. Mais ce matin, j'ai vu le truc aux nouvelles. Et après, j'ai entendu Alexandra vous dire qu'elle n'avait pas bougé. Je sais pas. J'ai paniqué. Tu es trop gentille, Juliette. Oui. Et à vouloir protéger Alexandra, tu as juste confirmé qu'elle nous mentait. On n'a qu'à tous dire ça. Vous n'êtes pas sortie chercher Lucien. Je n'ai rien entendu et Alexandra n'est pas sortie. Voilà. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Tu prends les flics pour des débiles? Il a raison, ça ne fera qu'empirer les choses. Le Guénèque le saura. En plus, Alexandra n'a pas garé la voiture au même endroit en rentrant. Maintenant, je m'en souviens. Marc a cherché les clés juste à côté de ta voiture à 2h. Elle était devant ta grille. Mais hier, quand je suis rentré du boulot, elle était garée 5 mètres plus haut, j'en suis sûr. La place devait être prise quand elle est revenue. Ça ne veut rien dire, Alexandra a pu sortir ce matin. Non. La voiture était encore chaude cette nuit, quand je cherchais les clés de Lucien. C'est pour ça que je n'avais pas froid. C'est ça que je sentais. Ça me met en colère. On dirait qu'elle le fait exprès, franchement. En plus, la rue est petite, les voitures sont connues. Non, il faut dire la vérité au moins à ton oncle. T'as raison. En attendant, on ne dit rien à la police. Juliette, si le Guénèque te demande, tu t'es endormie à 11h et tu ne sais rien. Passe la consigne à ton frère aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller à Dourdan. Et je dis quoi à ton oncle? Ça, tu ne lui en parles surtout pas. L'addition, s'il vous plaît? Oui, j'arrive tout de suite. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars en week-end? Je vais à Dourdan. Hein? Alexandra est dans de sales draps. Elle est sortie cette nuit, cette idiote. Je vais fouiller les archives du père de Sophia. Notre seule chance, c'est de trouver ce que Dompierre avait découvert et de prouver que ça n'a rien à voir avec Alexandra. Je viens avec toi. Les archives, ça me connaît et on ira beaucoup plus vite à deux. Et puis, je veux pas que tu te fasses trop une bide. Hein. On ne gagne pas une guerre tout seul. Dompierre a voulu la jouer solo et t'as vu ce qui lui est arrivé. Restons groupés. Ok. Alors dépêche, le train est à 14h57 à Austerlitz. K.L.J. Simeonidis, c'est là. Tu te souviens de ce qu'on a convenu? Ne prends pas pour un con non plus. Bonjour, monsieur Simeonidis. Flic ou journaliste? Oh non, on est des amis. Nous sommes les voisins de votre fille. Bonjour. La maison pourrie, c'est nous. Sophia nous faisait confiance. Il y avait des choses qui l'inquiétaient et elle nous avait chargé d'étudier la question. Ah, c'est vous qu'elle avait fait creuser sous le hêtre. Oui, c'est ça. Et elle nous a dit que s'il lui arrivait quelque chose, on devait chercher de notre côté. Elle n'avait pas confiance en la police. En gros, Sophia nous aimait beaucoup. Et elle aurait aimé que vous aussi vous nous fassiez confiance. Et surtout que vous nous laissiez voir vos archives. Entrez. Voilà. Tout est dans cette pièce. Waouh. Ça fait beaucoup de cartons, dis donc. J'ai consigné tout ce qui a été écrit sur ma fille. Bien sûr que ça fait beaucoup de cartons. C'était une grande cantatrice. Qu'est-ce que vous croyez? Pardon. L'allergie, c'est la poussière, c'est tout. Bon, les cartons sont classés par année. Votre don Pierre n'est pas resté longtemps, mais je ne sais pas lequel il a consulté. Il tenait absolument à être seul. Merci beaucoup, on va se débrouiller. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Par où commencer? Il y a des dizaines de cartons là-dedans. Je cherche le 99. C'est l'année qui intéressait Don Pierre, non? Ouais. Ah, 99! Je l'ai! Ah non, laisse tomber, ça se voit qu'il n'a pas été bougé depuis longtemps, il est plein de poussière. Non, c'est pas celui-là que Don Pierre a conçu. Non, mais regarde celui d'à côté. Le 98? Il est encore ouvert. Ces articles, les photos, les interviews, on en a pour des plombes. Cherche les trombones déplacés. Ça nous dira quels documents ont intéressé Don Pierre. Les trombones déplacés? D'accord. Alors, il y a ça. Il y a ça aussi. On dirait que tout ce que Don Pierre a lu concerne le même spectacle. La Traviata à Toulouse. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a que deux critiques. Et t'as vu, elles sont pas franchement élogieuses. S'aventurer hors de son répertoire, dis donc. La doublure Nathalie Domesco n'a pas été moins pitoyable, mais heureusement, la direction a arrêté le spectacle au bout de 3 représentations. Tu crois que c'est pour ça que Sophia a arrêté de chanter? Possible. Oh là, ils ont eu la dent dure, les journalistes. Hein. Attends. Quoi? Regarde qui a signé les deux critiques. René de Frémonville et Daniel Dompierre. Non. Ce sera le père du Dompierre qu'on a vu? Celui qui s'est pris 2 balles dans la tête en 99? Sûrement. Ça doit être ça, le lien avec Sophia. Mais pourquoi? Le vieux Simeonidis a écrit « pauvre con » dans la marge. Enfin, de là à penser qu'il a fait buter Papa Dompierre. Oh, c'est marrant, il y a le début d'un autre article au dos de la critique de Frémonville. Une pièce de théâtre sur la vie d'un gars dans une tranchée en 1917. Ah, tu vas pas recommencer avec ça? Ouf. Oh là, il est pas tendre là non plus, hein. Hey! Frémonville dit qu'il garde des carnets de guerre de son père et que l'auteur de la pièce aurait été bien inspiré de les lui demander. 7 carnets! 7 carnets! Tu te rends compte? Ça pourrait être génial pour mon livre. Mais on s'en fout. Oh merde. Quoi? Je crois que j'ai compris pourquoi Sophia s'est arrêtée de chanter. Comment ça? Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Ah, monsieur Simeonidis. Oui, merci. On va y aller, hein. On va pas vous déranger plus longtemps. Bon, tant mieux, parce que nous allions dîner. Vous voulez vous joindre à nous? Non, vous embêtez pas. Pourquoi pas? Lucien, tu viens de me dire que t'étais affamé. Hein? Mais j'ai jamais dit... Mais oui, pas de chichi entre nous. Les amis de ma fille sont comme mes enfants. C'est très gentil, mais on a notre train. Mais on prendra celui d'après. Bien sûr, mon beau-fils vous emmènera. Jacqueline! Tu peux sortir 2 assiettes en plus. Saint-Marc, qu'est-ce que tu fais? Il faut qu'on reste un peu, j'ai trouvé un truc, tu vas pas le croire. Et voilà. Bonsoir. Vous allez voir, Jacqueline cuisine très bien. Installez-vous. Merci. Bonsoir, Marc, enchanté. Bonsoir. Je vous présente mon beau-fils. Julien, tu pourras les emmener à la gare? Bien sûr. Et alors vous, Julien, vous êtes dans l'opéra aussi? Non. Mais je vous ai vu dans les archives avec Sophia sur une photo de la Traviata. Ah bon? À l'époque, oui. Sophia essayait de l'aider. Il a figuré dans tous ses spectacles de 93 à 98. Mais j'ai arrêté. Ça fait longtemps déjà. Mais ça, il a tout lâché. Du jour au lendemain. Mais pourquoi ? Ça ne marchait pas. J'aurais jamais percé, ça ne servait à rien de perdre mon temps. C'est sûr que quand on ne persévère pas, on n'arrive à rien. On te l'a dit 100 fois, Jacqueline, tout le monde ne peut pas y arriver. C'est difficile. J'aimerais vous demander une chose, mais c'est un peu délicat. Mm-hmm. J'ai lu que Sophia s'était fait agresser. Hein ? C'est vrai, oui. Le 17 juin 1998, dans sa loge. 1h30 avant la représentation. On a essayé de la violer. Pardon ? Un homme cagoulé l'a roué de coups. Mais heureusement, quelque chose a dû le déranger, il s'est enfui. Sophia a été conduite à l'hôpital en état de choc. C'est affreux. On n'en savait rien, hein, Marc ? On n'en savait rien. Tu savais, toi ? Sophia détestait qu'on en parle. C'est pour ça qu'elle ne nous avait rien dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'était qui, ce mec ? Sophia n'a jamais pu identifier son agresseur. À cause de la cagoule ? Bah oui, bien sûr. À cette heure-ci, le théâtre était fermé au public. Alors, la police a tout de suite soupçonné quelqu'un de la troupe. Ils ont vite innocenté tous les chanteurs. Mais ensuite, ils ont cru que ça pourrait être un figurant. Il y en a deux qui ne se sont pas présentés le lendemain. Et on sait qui c'était ? L'un d'eux est à cette table. Merci pour ton effet d'annonce. Pas la peine de vous sentir mal à l'aise, messieurs, j'ai été blanchi. Et c'est après ça qu'elle a tout arrêté, n'est-ce pas ? Oui, ça a été très dur pour elle. En plus de ça, la pièce a été un fiasco total. Sa doublure était très mauvaise. Les critiques se sont acharnées. La direction a arrêté le spectacle, sans égard pour Sophia, qui était très fragile. Et parmi les critiques, notre fameux Don Pierre. Je pouvais pas continuer après ça. Le lendemain, je suis pas revenu. Alors ces enfoirés ont voulu tout mettre sur le dos. Ils m'ont accusé d'avoir agressé ma demi-sœur. Vous vous rendez compte ? Et l'autre ? Je sais plus qui c'était. Mais il a pas été arrêté non plus. Vous savez, c'est banal chez les figurants de lâcher la présentation sans prévenir. Il avait sûrement trouvé mieux. Si ça se trouve, il a quitté la troupe sans même savoir que Sophia avait été agressée. Chérie, il y a la photo dans le salon. Ah oui ! Si ça vous intéresse, on a une photo de la générale. Ah bah oui ! Volontiers. Voilà. La dernière fois que la grande Siméonidis est montée sous les planches. Faites voir. Il y a tout le monde. Sauf les deux chanteuses. Eh, mais attends, Lucien. Tu le reconnais, lui ? Qui ? C'est moi, là. Non, l'autre figurant. Non. Attends. Mais si, t'as raison. Vous le connaissez ? C'est le frère de Juliette. Qui ? Georges Gosselin, le frère d'une amie de Sophia. Ça ne me dit rien. Il avait sûrement un nom de scène différent à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il fait là ? C'était « Debout les morts » de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. 8e épisode, avec Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dossler, Edith Baldi, Juliette, Elodie Hubert, Alexandra, Olivier Clavry, Le Guénec, Catherine Boguet, l'inspectrice, Thierry Bosque, le père de Sophia, Brigitte Barillet, la belle-mère de Sophia, Pierre Mignard, Julien, Nicolas Balu, le journaliste radio, et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi et Pierre Carbonnier. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massin. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.